Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Proust et le grand monde. Le 14 novembre 1913, dans la rubrique Le Monde et la Ville du quotidien Le Figaro, nous apprenons que monsieur et madame Nicolas Xanthos, aidés de leur délicieuse fille mademoiselle Xanthos, ont donné avant leur départ pour Nice une soirée dansante en l'honneur de leurs altesses impériales la grande duchesse Anastasie de Mecklembourg, le grand duc et la grande duchesse Cyril, le grand duc Alexandre et le grand duc Dimitri de Russie. On aurait aimé y être. Le 14 novembre, même jour, nous apprenons que s'est tenu un thé bridge élégant chez monsieur et madame Jacques de Poliakoff en leur villa Oceana à Biarritz. Formidable. Et ce jour-là, le 14 novembre 1913, paraît un livre Du côté de chez Swann de Marcel Proust. Alice Bravard, bonjour. Bonjour. Au moment d'évoquer le grand monde, la bonne société dans laquelle évolue Marcel Proust, il faut sans doute simplement définir ce que c'est que ce grand monde. Nous sommes à la toute fin du 19e siècle, début du 20e siècle. C'est quoi ce monde qui fascine tant Marcel Proust ? Alors, ce monde, en effet, il mérite d'être défini. Hein, et pour cela, eh bien, il faut bien sûr trouver des sources qui conviennent, hein, puisque ce qui caractérise le grand monde parisien, la société proustienne, c'est finalement un mode de vie commun, avec donc tout un tas de pratiques sociales sur lesquelles on pourra revenir. Et puis, c'est aussi finalement une reconnaissance de leur qualité de mondain. Donc on a un petit peu cette double qualité. Et pour cette raison, j'ai essayé de définir un échantillon de ce que pouvaient être les mondains de la Belle Époque en utilisant la presse et en utilisant les chroniques mondaines du Figaro et du Gaulois, dont vous venez de citer quelques notices. Alors, ça peut être intéressant quand même de revenir un tout petit peu sur cette source qui est très précieuse, qui a été assez peu vue finalement, qui est très riche. Et en fait, en quoi cela consiste ? Eh bien, dans les années 1890, c'est à peu près à ce moment-là que se forment ces chroniques mondaines, apparaissent des annonces quotidiennes, en fait, des faits et gestes de ce qu'on appelle à l'époque les mondains, les gens du monde. Et ces petites annonces, eh bien, sont formatées toujours finalement de la même façon, c'est-à-dire qu'on annonce le nom de la maîtresse de maison, puis la liste des invités qui sont remarqués chez elle par le journaliste, par le chroniqueur. Et puis suit ensuite le détail du programme de la soirée, qui peut être un programme artistique, littéraire. Et enfin, des commentaires sur l'ambiance et l'élégance de l'assistance. Et donc, en tant qu'historien, c'est une source très intéressante parce que on peut y puiser les noms de tous ceux qui s'affichent comme mondains, qui sont partout en fait, et en même temps qui sont vus comme tels par les contemporains. Donc en dressant une liste, alors j'avais choisi une année tournant, l'année 1900, on peut constituer comme ça un échantillon de personnalités et créer une base de données, tout simplement, pour reconstituer leurs origines, et puis voir leur parcours, et voir le parcours de leurs enfants. Sur trois générations, ça donne une vision assez intéressante de ce qu'est ce monde et de comment il évolue, en fait. Le grand monde parisien, 1900-1939, la persistance du modèle aristocratique, c'est l'ouvrage que vous publiez aux presses universitaires de Rennes, Alice Bravard. C'est un ouvrage issu de votre thèse. Et dans cette démarche, il y a quelque chose de passionnant, c'est la source. Pour les historiens, les historiennes, la source, c'est essentiel. Ces petites notices dans les journaux. Mais le regard que vous portez sur la narration d'une soirée chez une princesse n'est pas du tout le même que les contemporains qui, eux, avaient besoin de cette littérature-là. C'était un aspect extrêmement pratique de leur vie. Oui, alors c'est extrêmement surprenant effectivement pour nous, avec le recul que nous avons, de comprendre finalement l'intérêt que pouvaient avoir les contemporains à finalement à soit à se voir nommer dans les chroniques et même à aller regarder qui se trouve dans ces chroniques. Il faut rappeler quand même qu'on est à la fin du 19e siècle. Hein. Si on prend l'année 1900, on est quand même 30 ans après l'instauration de la République, de la Troisième République. Et donc, le fait hein, que sur deux colonnes pleines chaque jour, en deuxième page de ces deux grands journaux nationaux, qui sont certes plutôt de droite, plutôt conservateurs, mais qui sont quand même lus par une partie importante de la société, et c'est très étonnant de voir que les gens s'intéressent en fait aux faits et gestes de cette aristocratie qui entretient quand même un lien très étroit avec le mode de vie d'Ancien Régime. Oui, avec des titres, alors à n'en plus finir, il y a de la particule hein, dans ces notices. Et dans cette démarche d'étudier ce monde très particulier, il y a le regard de l'historienne et puis il y a le regard lié à la littérature. Bonjour Marjolaine Morin. Bonjour. Vous, dans votre démarche, en s'approchant de ce grand monde par la littérature, vous retrouvez un écho en fait sans cesse. Tous ces gens cités dans les journaux, Le Figaro, Le Gaulois, se retrouvent après dans les romans, c'est le cas avec Marcel Proust. Exactement. Déjà, on sait que Proust faisait des chroniques au Figaro sur les soirées auxquelles il pouvait assister. C'est là justement notamment qu'il fait des digressions à n'en plus finir sur qui portait telle robe, que telle duchesse avait un motif absolument magnifique sur sa robe, etc. Donc effectivement, Proust assiste à ce genre de soirée. Et alors, il va transposer ça dans son œuvre. Alors, le grand monde dans l'œuvre de Proust, déjà évidemment, il faut faire la distinction entre le monde bourgeois, qui est celui des Verdurins, et le monde aristocratique, qui est celui des Guermantes. Donc, le monde qui fascine le plus Marcel Proust et le narrateur, c'est le monde des Guermantes, parce qu'il a l'impression que c'est une espèce de firmament vers lequel il pourrait s'élever. Et évidemment, on sent chez lui quand même le complexe du bourgeois qui demande à s'élever vers ces gens qu'il estime supérieurs. Et je ferai juste un petit détour par l'étymologie du mot aristocratie, qui donc signifie le pouvoir des meilleurs. Donc Proust est encore un peu dans ce fantasme d'une aristocratie rêvée que lui, il associe notamment à une aristocratie médiévale. Et il rêve de la fréquenter. Et évidemment, on se rend compte dans le roman que cette aristocratie n'est pas à la hauteur de son étymologie. Et de là naîtra sa grande déception, qui sera aussi évidemment importante pour le roman. Et j'ajouterais que chez Proust, le monde aristocratique des Guermantes est également une émanation du monde aristocratique du XVIIe siècle, et notamment celui qu'on voit apparaître dans les mémoires de Saint-Simon. Parce que Proust est fasciné par Saint-Simon, et c'est par ce prisme aussi qu'il observe son propre monde aristocratique, enfin celui qu'il fréquente. Et justement, il dit parfois, il le dit dans sa correspondance, que je cite un exemple, quand il fréquente le duc de Guiche, ce qu'il aime chez lui, c'est de le voir porteur d'un nom Louis XIVien. Donc tout chez lui passe aussi par ce prisme de la cour de Versailles. Et ce qu'il aime, c'est retrouver dans les nobles qu'il fréquente les noms qu'il lit dans Saint-Simon. Donc il y a vraiment un écho historique chez Proust. Chez lui, de toute façon, tout est esthétique, tout est historique. Et pour cela, vraiment, il aime retrouver aussi ce monde de la cour de Louis XIV dans ses propres fréquentations. Il y a un peu de Saint-Simon chez Proust. Lorsque Proust et Monterland s'appliquent à imiter l'inapplication de Saint-Simon, je remarque que leur modèle lui-même s'est piqué d'écrire à la cavalière. Et cette inattention fastueuse, cette coquetterie de grand seigneur, me conduisent à rêver encore sur le passage que voici. Dirai-je un mot du style, de sa négligence, des répétitions trop prochaines, des mêmes mots, quelquefois des synonymes trop multipliés, surtout de l'obscurité qui naît souvent de la longueur des phrases. J'ai senti ces défauts. Je ne fus jamais un sujet académique. Je n'ai pu me défaire d'écrire rapidement. Pour bien corriger ce qu'on a écrit, il faut savoir bien écrire. On verra aisément ici que je n'ai pas dû m'en piquer. Voilà donc l'opinion qu'a le duc de Saint-Simon de l'écrivain Saint-Simon. Ben voilà, c'est Maxime Leroy, juriste historien qui s'exprimait dans l'heure de culture française, c'était en 1959, Marjolaine Morin. Alors cet écho Saint-Simon Proust, c'est très intéressant parce que Saint-Simon, chroniqueur de la vie de cour à Versailles et surtout énormément de portraits, eh bien c'est un peu aussi ce que l'on retrouve chez Proust. Alors il n'a pas cette démarche, il est quand même un peu chroniqueur mondain à des moments. Oui. Il y a un lien à faire, est-ce que Proust s'est rêvé Saint-Simon? Alors... on sait qu'il a commencé la fréquentation de Saint-Simon par le pastiche, qui est vraiment un exercice littéraire extrêmement intéressant et qui montre sa fascination, mais aussi pour mieux s'en détacher après. Évidemment, il n'était pas question d'écrire la recherche à la manière de Saint-Simon. Néanmoins, il dit, Proust a écrit que quand il a terminé la recherche, il aura espéré avoir écrit les mémoires de Saint-Simon d'une autre époque. Donc effectivement, il y a vraiment une connexion très forte entre les deux. Et alors, pas seulement dans leur manière de chroniquer les grands qui les entouraient. Il y a des portraits extrêmement savoureux chez Saint-Simon. Je recommande d'aller voir certains portraits effectivement... assez acides. Hein. Très très acides. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont chacun la posture du scrutateur en retrait. C'est-à-dire ils sont un pied dedans et un pied dehors. Et en réalité, ils ne veulent pas vraiment être complètement dans le monde. Alors, pour deux raisons, chacun pour des raisons différentes. Saint-Simon, c'est surtout parce qu'il trouve ce monde corrupteur et il ne veut pas se laisser corrompre lui-même. D'ailleurs, il a refusé des charges extrêmement prestigieuses. Il aurait pu participer au pouvoir. Il a refusé pour mieux finalement rester en position d'observateur. Et Proust fait pareil, dans le sens où il est dedans, mais à la fois, il ne quitte jamais sa position de scrutateur qui reste dans un coin et qui observe pour mieux ensuite piquer ou mettre le doigt là où ça fait mal sur certains défauts, sur certaines attitudes profondément décadentes. Alice Bravard. Oui, c'est tout à fait juste, mais Marcel Proust subit un petit peu aussi cette marginalité en fait, hein, parce que d'une part, lorsqu'il se met à écrire, donc à partir de 1913, il est malade, hein, il est malade et il est affaibli et donc il est condamné à s'isoler. Hein. À partir de 1913, il sort de moins en moins, quelques déjeuners au Ritz, mais il est dans une espèce de posture de retrait forcé, ce qui va lui permettre d'ailleurs de dégager tout ce temps pour faire cette œuvre extraordinaire. Et puis, il ne faut pas oublier aussi ses origines sociales, hein, vous les rappeliez à l'instant, mais il est issu en effet d'un milieu bourgeois intellectuel par son père, hein, qui est professeur de médecine. C'est une famille fortunée, hein, il est finalement rentier toute sa vie, hein, Marcel Proust. Hein. Mais par sa mère, il a aussi des origines juives alsaciennes et il est associé au milieu de la banque et des affaires. Hein, donc, ce sont pas du tout, de toute façon, des bons atouts pour rentrer dans les cercles les plus fermés de la mondanité, et il le sait. Il va rentrer finalement dans les salons de la comtesse Greffule ou dans les salons de la comtesse de Sonville par un biais qui est d'ailleurs sans doute le meilleur de l'époque pour permettre la promotion mondaine, c'est-à-dire par les arts et par les lettres. Hein, c'est parce qu'il est très ami avec le fils de Georges Bizet, parce qu'il est très ami avec le fils d'Alphonse Daudet, parce qu'il connaît bien Reynaldo Hahn, hein, même très bien. C'est par cette porte artistique qu'il parvient à rentrer, mais c'est une petite porte, hein, c'est la petite porte de la mondanité. Évidemment, quand on n'a pas le nom et les titres, il n'y a finalement que ce moyen pour pénétrer le sérail mondain. Oui, parce qu'il y a ça dans son existence, mais on le retrouve aussi dans son œuvre. Un travail qui nous semble aujourd'hui extrêmement complexe. Alors je ne sais pas si l'on peut parler de réseau, de stratégie, pour trouver en fait les voies qui vont lui permettre d'accéder. Alors nous avons cité les Vers du Rhin, mais les Vers du Rhin, alors là c'est la petite porte encore, pour atteindre les salons. Il y a de ça, Alice Bravard chez Proust, hein. Mais au-delà de ça, dans la société du début du XXe siècle, bien connaître la géographie de cette société pour trouver le chemin qui vous conduit au but. Oui, alors en fait, donc d'après le tableau que j'ai essayé de dresser de ce grand monde, finalement les voies d'accès, il y en a quand même quelques-unes hein, pour accéder à cette société quand on n'est pas bien né. Probablement la plus difficile parce qu'il faut du talent, la plus courante, c'est effectivement les arts et les lettres. Hein, sinon les portes se font par une carrière, je dirais, d'avocat, de médecin, de serviteur de l'État, qui aboutit sur une carrière politique. Donc la voie politique est également possible. Et puis la troisième voie, c'est la voie économique, hein, c'est-à-dire le monde des affaires, le monde de la banque, les barons de l'industrie. Mais il faut bien reconnaître que finalement tous ces gens sont assez minoritaires. Hein. Oui. Ils sont minoritaires et en tout cas ce qui transparaît dans les journaux de l'époque, c'est que ce grand monde, il est incarné principalement, et en ce sens Marcel Proust voyait très juste, par les représentants de la noblesse la plus ancienne de France. Ouais, c'est ça. Oui. Et il fait preuve de beaucoup d'énergie, justement, pour réussir à entrer dans ce grand monde. Allez, chauffe. Chauffe, Marcel, chauffe. Je n'irai pas plus loin. France Culture. Je te préviens. Le cours de l'histoire. Le voyage est fini. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flanflons, de la valse musette et de l'accordéon. Chauffe. Xavier Mauduit. Chauffe, Marcel, chauffe. Voilà, chauffe Marcel. Valse-musette, accordéon chez Brel, Vesoul, mais là aussi, tout est signe, tout est élément de distinction sociale. Alice Bravard, dans cette lecture que l'on peut faire de la bonne société parisienne, chaque code est étudié. C'est super important, même pour Marcel Proust, de maîtriser ces codes pour savoir comment s'adapter et entrer dans les salons qu'il recherche. Oui, alors absolument. En fait, donc la plupart de ces mondains, sauf évidemment les catégories bourgeoises qui mènent une carrière hein, véritablement pour vivre, hein, la plupart de ces mondains, ce sont des rentiers. Hein, donc ils se disent dans les papiers d'état civil rentiers ou grands propriétaires. Et donc ce sont des gens qui, par conséquent, ont une vie oisive. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne font rien, hein, ils n'ont pas d'impératif de productivité d'aucune sorte, et de toute façon, l'entrée dans le monde productif pour un aristocrate, c'est quelque chose d'absolument détestable. Donc ils n'ont pas ce souci du travail et de gagner de l'argent. Donc il leur reste un temps finalement infini, le temps de leur existence, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette vie d'oisiveté n'est pas du tout une vie de grande liberté. Hein, dans le sens où cette oisiveté est complètement ritualisée, hein, elle est complètement codifiée, hein, pour reprendre ce terme. Alors je vous donne juste un exemple sur l'organisation justement de ce temps. Bon, c'est quelque chose d'assez connu, mais l'année mondaine est découpée d'une façon extrêmement rigoureuse et on ne peut pas déroger finalement à ces impératifs sociaux. Donc, pour simplifier, on peut dire qu'en fait l'hiver doit être passé à Paris. Donc on a un hôtel particulier dans le Faubourg Saint-Germain, donc dans le 7e arrondissement, ou dans le 8e et le 16e, qui sont des quartiers plus modernes finalement, qui ont profité des embellissements d'Haussmann. Hein. Et puis, quand le mois de juin se termine, ça correspond au Grand Prix, hein, au Grand Prix de Longchamp, donc autour duquel il y a de très nombreuses réceptions qui sont organisées, et de nombreux bals, eh bien, à la fin du mois de juin, il faut que tout le monde soit parti. Là, c'est impératif. Donc, il faut préparer ses malles, organiser avec ses domestiques le déplacement. Et à ce moment-là, on loue pendant 2 mois. En général, ce sont plutôt des locations que des propriétés. Une villa dans les stations balnéaires, Deauville-Trouville, Dieppe, ou parfois aussi des stations de la côte bretonne. Et donc, l'année se poursuit. On passe l'été là, la fraîcheur du temps normand. Quand l'automne arrive, à nouveau, on se redéplace. Il faut à ce moment-là passer plusieurs semaines au château parce que c'est le moment de la chasse. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, le château, ce n'est pas une période de repli familial. Hein. On n'est pas entre soi dans la propriété de famille, pas du tout. Ça donne lieu, là encore, eh bien, à des réceptions extrêmement importantes autour de la chasse. Et puis, l'année se termine avec des voyages sur la Côte d'Azur, hein, avant de retourner à Paris. Ça dépend de l'état du château. Nous vous attendons dans la salle à manger. C'est à deux pas. Au bout du couloir, le grand escalier, à gauche, et tout de suite après la salle de musique et le fumoir. Oh, j'oubliais, votre compagne est de mauvaise humeur. Ce sont le voyage qui fatigue. Elle va prendre un bain chaud, un bon porto. Je vous signale que les boissons ne sont pas comprises et vous allez la retrouver en fleurs. Nous sommes toutes les mêmes. Vous voyez, déjà. Ah, il est amusant, n'est-ce pas? Je vous laisse. Alors, vous êtes comte et vous faites le garçon d'étage? Faire ça ou se trimballer en jaguar avec un scaphandrier. Quoi? Voilà, c'est propre. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'eau. Mais c'est normal, hein, ces vieilles baraques. Le meilleur robinet ici, c'est le toit. Et je voudrais bien voir notre bobine dans 387 ans. 387 ans? En 1581, ici, c'était la pleine forêt. Mon aïeul Maximilien chassait le merle. Il tombe de cheval et se brise la colonne. On ne pouvait plus bouger. On a bâti autour. Et voilà. Et voilà, Le Diable par la queue, le film de Philippe de Broca en 1969 avec Jean Rochefort, qui est le comte de Coutines. Dans cet univers, Marjolaine Morin, il y a une géographie, nous l'avons entendu, il y a un calendrier aussi. Votre thèse s'intitule « Grandeur et décadence de l'aristocratie proustienne dans « À la recherche du temps perdu », Proust et les mémoires aristocratiques ». Retrouve-t-on dans la littérature ce calendrier, cette géographie? Alors oui, effectivement, je retrouvais ce qu'on peut voir dans Proust quand vous parliez de quelque chose d'extrêmement cadré. Effectivement, ils sont oisifs, mais ils ne sont pas du tout inoccupés. Et effectivement, c'est ce dont on se rend compte avec toutes ces réceptions, ces soirées organisées par Oriane de Guermantes notamment. C'est quelque chose qui transparaît dans un épisode fameux de la recherche, quand on parle de cette espèce de calendrier auquel il ne faut pas déroger. C'est l'épisode des fameux souliers rouges de la duchesse, quand Swann donc annonce au couple qu'il ne pourra pas venir à la prochaine réception parce qu'il sera mort, et que la duchesse finalement préfère l'ignorer. Parce que la plus importante, la réception va commencer et elle doit changer la couleur de ses souliers qui ne vont pas avec la couleur de sa robe. Et là, on voit finalement cette forme de cruauté inhérente à cette espèce de calendrier qu'il faut respecter coûte que coûte, on a l'impression, quitte justement à ignorer ses soi-disant amis. Et effectivement, elle ne reverra pas Swann, qui sera effectivement mort peu de temps après. Donc voilà un exemple d'impératif qui se révèle extrêmement cruel. Contraste saisissant entre le fantasme porté sur ce grand monde, ses réceptions, ses belles tenues, oh, les bijoux sensationnels, et puis la réalité en fait, la contrainte, c'est extrêmement contraignant, Alice Bravard, de vivre dans ce grand monde, d'évoluer dans ce grand monde. Proust en a souffert, lui qui ne fait pas partie par la naissance de cet univers-là. Oui, absolument. Je pense qu'il en a, il en a en effet souffert. Hein. C'est-à-dire que dans son œuvre, hein, il me semble qu'on ressent à la fois la fascination et à la fois la frustration, hein, la frustration voire la déception. Hein, et effectivement. La cruauté, hein, dont la cruauté qui est quand même là dans les salons, entre ces groupes sociaux, anciennes élites, nouvelles élites, qui finalement se retrouvent dans ces cadres, dans ces très beaux cadres, mais qui en fait il y a des tensions sociales très fortes entre ces groupes, hein, puisque l'enjeu c'est qui sera l'élite française demain, en fait. Hein. Donc, les tensions sont très fortes. On les ressent bien chez Proust. Et puis, voilà, il y a de la cruauté. Puis, il y a aussi de l'imbécilité aussi. Hein. Je trouve qu'on perçoit toujours en filigrane. Il a été manifestement déçu par ce qu'il a vu. Mais Marjolaine Morin, en écho à ce qui vient d'être dit sur Proust, dans Ce grand monde, il y a ce décalage constant, en fait, dans la recherche entre fascination et moquerie. C'est exactement ça. C'est aussi pour ça que dans ma thèse, je parlais de grandeur et de décadence, au sens où la grandeur, ce serait la fascination, et la décadence, ce serait, pour Proust, le narrateur, une grande déception. Et c'est vrai que Proust, finalement, il déshabille les gens, il enlève les masques. En cela, il ressemble à Saint-Simon. Et là, c'est le moment où Proust se fait un peu moraliste. C'est-à-dire, il y a un peu de La Rochefoucauld chez lui, un peu de La Bruyère. C'est-à-dire, il déshabille les hommes et il en tire des lois générales. Et ce qu'il voit derrière les masques n'est pas très beau. Et effectivement, notamment, ce qu'il leur reproche le plus à ces aristocrates, c'est le manque de conscience qu'ils ont de leur propre poésie. Et ça, pour lui, qui est un esthète, c'est impardonnable. Et il s'en prend notamment à la manie des surnoms. Vous savez, hein, il y a Mémé, il y a Babal. Et il écrit, hein, dans la recherche, que ces stupides abréviations sont un signe de l'incompréhension que les nobles ont de leur propre poésie. Et je pense qu'au-delà, effectivement, du rejet social qu'il a pu ressentir, ça c'est indéniable, d'avoir jamais été vraiment considéré à sa juste valeur, d'avoir toujours été un petit peu méprisé, je pense que sa plus grande déception, elle est d'ordre esthétique. C'est-à-dire que pour lui, l'aristocratie, c'est une histoire millénaire. Ce sont des mythes qu'on voit d'ailleurs dans la naissance soi-disant des Guermantes, une nymphe et un divin oiseau. Et il aurait voulu que ces aristocrates portent ce mythe en permanence. Et il se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Et c'est là où on retombe sur une notion très importante dans la recherche, qui est celle de la stérilité artistique due à une forme d'idolâtrie corruptrice. Et ça, un des aristocrates qui la porte le plus, c'est Charlus. C'est-à-dire que Proust se dit « Mais quel dommage cet homme qui a une si grande histoire en lui, qui a vécu tant de choses, s'il écrivait, s'il peignait, s'il faisait quelque chose, ce serait absolument extraordinaire, mais il ne fait rien. Ouais. » Et là, on retombe quand même dans cette forme d'oisiveté un peu coupable, mais pour Proust, c'est l'oisiveté esthétique qui est coupable. Et c'est pour ça que lui aura tant à cœur de créer avant de mourir, puisque c'est ce qui lui tient le plus à cœur. Et il reproche à ces aristocrates de ne pas être des créateurs. Je pense que c'est ça son reproche fondamental, esthétiquement parlant. Et puis, Marcel Proust est un tantinet moqueur. Il faut t'avouer que c'est bien drôle. Mais évidemment, Montesquieu ne peut être heureux de ses échecs, d'autant plus qu'il lui revient aux oreilles que Proust, qui a un don d'imitation remarquable, le contrefait dans les salons. Montesquieu se fâche et Proust répond. Ah, on n'en veut pas à la foudre, même quand elle vous frappe, parce qu'elle vient du ciel. Sacré Marcel. Cependant, il arrivait à ses fins. Montesquieu le faisait pénétrer. Un peu en biais, il est vrai, dans le monde qu'il souhaitait connaître. Marcel fut enchanté de rencontrer, grâce à lui, la comtesse Greyfus. Oui, elle fut un des modèles, d'ailleurs, de la duchesse de Guermantes. Ben voilà, sacré Marcel, dans la jeunesse de Marcel Proust, à la radiodiffusion française en 1961. Robert de Montesquieu, dans La vraie vie, est Charlus dans La recherche de Marcel Proust. Marjolaine Morin, il y a amitié et rivalité, en fait, dans cet univers-là. C'est comme un jeu d'échecs permanent. La vie est un jeu d'échecs. Chacun a son rôle, ses forces ou ses faiblesses. Oui, c'est exactement ça. Et c'est là où on retombe sur l'idée du masque. C'est que chacun porte son masque, ou plusieurs masques, d'ailleurs, parfois. Et je pense que chez les aristocrates que fréquentait Proust, dans leur rapport, il y a ce rejet évidemment lié à son origine sociale. Bon, bah, ce n'est pas un aristocrate. Mais je pense qu'aussi, effectivement, les aristocrates qui fréquentaient Proust sont passés à côté de quelque chose avec lui. C'est-à-dire qu'ils l'ont un peu méprisé. Ils n'ont peut-être pas bien compris, ou alors trop tard, à quel point il les avait parfaitement radiographiés. Et effectivement, cet exemple qu'il limitait, etc., Montesquieu n'était pas très content. Et Montesquieu s'est assez fâché quand il a compris qu'il serait un des modèles du baron de Charlus. Et c'est ça, c'est-à-dire que Proust, finalement, il a envie de fréquenter ses salons. Mais ce n'est pas seulement pour une raison sociale ou de satisfaction personnelle, c'est vraiment pour aussi y puiser son matériau esthétique. Il a besoin de fréquenter ses nobles pour construire sa propre œuvre derrière. Et c'est pour ça que certains personnages, certaines de ses fréquentations n'étaient pas très satisfaites de la manière dont elles se voyaient, à tort ou à raison, peintes dans la recherche. Peut-être que certains étaient un peu paranoïaques, je ne sais pas, et qu'ils se voyaient à tort, mais il est vrai que Proust piochait ici et là, construisait un personnage, et certains s'y retrouvaient. Et ça, je pense que ça a créé, évidemment, certaines inimitiés. Par exemple, la comtesse Griffull, vers la fin de sa vie, s'inquiétait de rester à jamais dans l'histoire sous les traits d'Oriane de Guermantes. Et c'est vrai que finalement, c'est là où les créateurs sont des génies. Et ça, c'est comme Saint-Simon. C'est-à-dire, on retient finalement plus leurs personnages qu'ils ont recréés, eux, que le modèle d'origine. Et ça, c'est la marque du créateur. Le modèle d'origine, ce monde très particulier, cette bonne société parisienne. Alice Bravard, vous l'étudiez dans son évolution. Et c'est cela aussi qui est intéressant, parce que dans la volonté de laisser trace, surtout quand les généalogies sont lourdes, eh bien, l'évolution, elle, est beaucoup plus complexe. Comment transparaît-elle à travers ces journaux? Ce sont toujours les mêmes gens, puis leurs enfants et leurs petits-enfants? Alors, dans les chroniques mondaines, hein, on constate une évolution puisque si on prolonge donc au-delà de la Première Guerre mondiale, hein, qu'on va voir un peu ce qui se passe dans les années 1920-1930, parce que faut quand même que je rappelle que ces chroniques mondaines, elles apparaissent donc autour de 1890, elles perdurent jusqu'en 1939, hein, et elles sont peuplées jusqu'à la fin des années 30. En grande partie de descendants de l'aristocratie la plus ancienne. Donc ça en dit long quand même sur le processus de démocratisation qui s'opère en France, qui est bien réel, hein, qui est évident. Il y a même une accélération évidente depuis la mise en place de la Troisième République. Mais on a une République qui, par certains côtés, demeure quand même conservatrice. Enfin, je veux dire que l'élite, pour beaucoup de gens, jusqu'à la fin des années 30, l'élite, ça reste les vieilles familles de la noblesse française. Et donc, ce qu'on constate, donc en regardant un peu ce qui se passe, en faisant des coupes un petit peu en 1910, en 1920 et en 1930, c'est que progressivement, et ça semble naturel, l'aristocratie s'efface, hein, s'efface. Donc, elle est moins nombreuse en fin de période qu'en début, mais elle représente toujours une large majorité du monde tel qu'on le conçoit dans les années 30. Alice Bravard, bien souvent et pendant longtemps, le modèle aristocratique a trouvé sa fin pendant la Première Guerre mondiale. C'est comme ça qu'on nous présentait les choses. Ce que vous nous dites, c'est que non, ce modèle aristocratique, alors perdure, il y a un jugement dans perdure, continue, se poursuit dans les années 1920-1930. Oui, absolument. Alors, c'est vrai que sur le plan historiographique, on a voulu voir au début la Révolution française comme un premier très très grand tournant. C'en est un, mais finalement les 19e-istes se sont rendus compte après que la noblesse était assez bien remise, hein, de la période révolutionnaire. Alors on a finalement reporté, hein, la date du déclin plutôt au 19e siècle. Et puis finalement, d'autres études ont été faites sur les positions aristocratiques à la fin du 19e. On a cessé de repousser en fait la date du déclin. Alors ce qui m'a intéressé, c'est essayer de voir si la date butoir qui était plus ou moins fixée, qui était 14, hein, et qui est annoncée d'ailleurs dans la littérature du 19e en permanence, hein, cette espèce de litanie de la décadence revient sans cesse, à la fois, enfin, dans la littérature européenne, hein, même on peut le dire. Est-ce que oui ou non, 1914 est le grand choc? Alors, je dirais que ça dépend sur quel plan on se place. Hein. Donc sur le plan politique, c'est évident. Et de ce point de vue-là, la France est un cas particulier, puisque voilà, l'évolution politique de la France fait que le processus en fait qui consiste à écarter les noblesses du pouvoir a été assez lent, mais commence déjà bien avant la guerre. Ce processus aboutit. Hein. Sauf dans certains domaines, d'ailleurs, la diplomatie, l'armée, c'est vrai qu'il reste des foyers où il y a énormément d'aristocrates. Absolument. Si on regarde les fonctions ministérielles, les fonctions de les charges de députés, etc. Bon, là, c'est évident hein, que progressivement les fonctions politiques ne sont plus entre les mains de ces vieilles familles. Sur le plan économique, le bilan est beaucoup plus nuancé, hein, puisqu'en réalité, on constate que les fils de nos mondains de 1900, bien souvent, demeurent des rentiers et des grands propriétaires, et ils demeurent oisifs, alors que, bien évidemment, ils vont vivre plutôt autour de la deuxième moitié du XXe siècle. Sur le plan social et culturel, je dirais que le prestige en fait de ces familles demeure. C'est ce qui transparaît en tout cas dans les sources que j'ai étudiées. Ça devient plus dur hein, dans les années 1920. Alors il y a le modèle français, mais particulier parce que la France est une république, mais il y a aussi le modèle anglo-saxon qui tourne en Angleterre. J'ai du mal à y croire. Je venais souvent ici quand j'étais enfant. Sic transit gloria mundi. Feras-tu autant la philosophe quand ce sera ton tour? Salope. Ils vendent tout. Bonté divine, mais c'est la grand-mère de John. Ils doivent penser que le tableau est trop grand. Trop grand pour Londres. Oh, cher John, nous sommes vraiment navrés. J'espère au moins que c'est ce que vous voulez. Malheureusement, non. Pas du tout. Vous avez entrepris un grand nettoyage. Mais nous avons gardé quelques portraits pour décorer notre maison de Londres. Quel intérêt d'entreposer le reste? Cette vie est terminée pour nous. Elle ne reviendra pas. Je vous admire. Trop nombreux sont ceux qui attendent et attendent au lieu de voir la réalité en face. Mais nous en avons fait l'erreur, j'en ai peur. Nous avons bien trop attendu, maintenant il ne nous reste plus rien. Ne faites pas comme nous. Bah oui, faut anticiper. Un petit extrait de la série Downton Abbey, qui est une belle illustration alors pour le modèle britannique. Donc c'est là aussi un cas particulier d'une certaine déchéance aristocratique, parce que le modèle économique ne convient plus et ne permet pas d'entretenir de grandes propriétés. Marjolaine Morin, Proust est un acteur, un observateur de la décadence. Est-ce que il est en recherche de ces éléments de décadence, ou est-ce que simplement en décrivant le monde qu'il voit, bah, il participe peut-être un peu à la démystification et à la décadence du modèle aristocratique? Je pense que c'est plutôt ça, effectivement. C'est pas qu'il cherche particulièrement à voir ces signes-là, mais en fréquentant ce monde, ça lui, en quelque sorte, les écailles lui tombent des yeux et ça lui saute au visage. Et là, évidemment, il ne peut pas le cacher. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est que cette question de la grandeur et de la décadence de l'aristocratie dans la recherche me semble très importante parce qu'elle est liée au projet scriptural du narrateur. C'est-à-dire que dans la grandeur qu'il voit dans cette aristocratie, là réside donc sa fascination, donc ça va être toute sa réflexion sur la généalogie, le nom aristocratique, toutes ses rêveries sur Geneviève de Brabant, etc. Donc il y a tout un matériau esthétique donné par la grandeur aristocratique. Mais l'observation d'une forme de décadence aristocratique est aussi très importante parce que c'est une des choses qui le décide à écrire. C'est-à-dire que quand même, à la fin de la recherche dans Le Temps Retrouvé, le narrateur est quasiment désespéré, il a compris qu'il fera rien de sa vie, et il se rend, une fois de plus, à une matinée guermante, rendue évidemment plus triste puisque c'est la guerre. C'est là où il a un de ces moments qu'on a pu appeler les moments de mémoire involontaire, d'épiphanie, quand il trébuche sur le pavé de la cour de l'hôtel de Guermantes. Et tout d'un coup, il a à nouveau une forme de révélation qui lui dit « là, il est temps que tu écrives. Vraiment, c'est le moment parce que tu vas bientôt mourir. Et il faut vraiment que tu ne finisses pas comme ces aristocrates que tu as observés qui n'ont jamais rien créé. Toi, il faut que tu crées. » Donc je pense que les aristocrates sont vraiment très importants dans le projet, puisque à la fois donc ils fascinent, mais à la fois ce sont des personnages repoussoirs qui lui font comprendre que s'il ne se décide pas, enfin, parce que Proust est un roi de la procrastination, il le dit lui-même, s'il ne se décide pas à écrire, il passera à côté de sa vie. Donc, je pense qu'on peut dire que l'observation des salons aristocratiques dans la recherche, finalement, est constitutive du processus créatif. Elle y participe grandement. Et dans la description que l'on peut trouver dans la recherche de tout cet univers très particulier, celui des salons, mais cette bonne société qui se déploie dans toute la France jusqu'au bord de la mer, c'est toujours magnifique. Alice Bravard, est-ce que vous trouvez que Proust, justement, rend compte de ce que cela pouvait être, ou bien n'avait-il qu'un biais, s'il n'avait pas accès à l'ensemble de cette société? Il était dans certains univers qui sont, malgré tout, assez fermés. C'est très difficile à dire. Hein. C'est très difficile à dire. Je dirais que sur la composition de la nébuleuse mondaine et les tensions qui marquent les relations entre les individus de ce groupe, son œuvre est absolument magistrale. Hein, parce qu'on comprend les enjeux qu'il y a derrière, avec la progression de cette bourgeoisie. Une aristocratie qui paraît de plus en plus inutile parce qu'on est entré dans une société une société matérialiste, hein, et productive, où finalement l'argent est devenu le maître mot et l'honneur est passé un petit peu à la trappe, hein, c'est un peu ça qu'il y a derrière. Donc de ce point de vue-là, l'œuvre est presque en soi une source historique, en fait, hein, parce que c'est tellement bien décrit et tellement bien dit que on est sans doute proche de la réalité. Par contre, l'objection que j'émettrais, effectivement, c'est sur le déclin, qui, à mon avis, est davantage une thématique romanesque, hein, qui permet de valoriser les dangers qui menacent ces personnages, mais qui, pour moi, ne correspond pas à une réalité, en tout cas, pas à ce moment-là. Hein, c'est-à-dire, pour moi, c'est un petit peu plus tard. Hein, voilà. C'est un peu plus tard, d'ailleurs, que ce modèle aristocratique commence à s'effriter. Alice Bravard, malgré tout, à vous écouter, je me dis qu'il est complètement là, parce que la résidence parisienne pour l'hiver, la petite résidence à la campagne, c'est pas mal. Si on est chasseur, eh bien, c'est parfait s'il y a un bois à côté. Et puis, la maison louée au bord de la mer l'été, ce modèle aristocratique se diffuse aussi dans la société comme toujours un objectif à atteindre avec plus ou moins de moyens. La maison est plus ou moins grande au bord de la mer. Oui, alors ça c'est très amusant aussi et c'est encore une fois très paradoxal compte tenu du contexte politique de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Mais en effet, on constate qu'à chaque fois qu'une famille bourgeoise fait fortune, quel que soit le secteur d'activité dans lequel cela a été possible, eh bien cette famille va systématiquement imiter en fait tout le mode de vie aristocratique et puis s'approprier les signes distinctifs de l'aristocratie. Donc effectivement, c'est l'hôtel particulier qu'on se fait construire dans les beaux quartiers, l'achat de châteaux, alors qu'ils sont souvent, pour les familles bourgeoises fraîchement parvenues, des châteaux qui sont plus proches de Paris, donc du fait de ces activités. Et puis, en effet, on va copier ce mode de vie et l'apogée de la réussite sociale pour un bourgeois de cette époque, c'est d'arriver au bout d'une ou deux générations à marier ses enfants avec une fille de la noblesse d'Empire. Oui, il y a bien une imitation hein, entre les deux groupes. Et justement, dans l'œuvre de Proust, Marjolaine Morin, retrouve-t-on cette évolution? Et oui, c'est-à-dire que évidemment, alors c'est une évolution qui éclate à la fin du temps retrouvé avec Madame Verdurin qui est devenue princesse de Guermantes. Donc là, en quelque sorte, la boucle est bouclée, c'est-à-dire que ça y est, la bourgeoisie a pris la place. Et pour le narrateur, c'est terrible parce que quand il vient, donc c'est magistral, ces pages magistrales qui sont le bal de tête du temps retrouvé, il y a des nouveaux venus qui ne savent pas qu'il y a une autre princesse de Guermantes et qui croient que Madame Verdurin, c'est la princesse de Guermantes pour de bon, etc. Et lui, il est obligé de lui dire, mais non, il y a eu d'autres personnes que tu n'as pas connues, qui avaient un mode de vie extraordinaire. Et il est totalement en fait impuissant et désolé d'avoir à expliquer ça. Et finalement, il comprend qu'il n'arrivera pas vraiment à expliquer ce que ça pouvait être parce que elle est morte et la princesse de Guermantes d'avant et Madame Verdurin a pris la place. Donc là, il y a vraiment l'idée d'usurpation. Et je voulais rebondir par rapport à ces deux milieux. Finalement, Proust est un peu à cheval parce que il reproche évidemment à la bourgeoisie de vouloir à ce point confisquer ce que peuvent être les aristocrates et sans y arriver vraiment parce qu'ils n'ont pas toute leur histoire, tout leur code. Donc il en veut en quelque sorte, par exemple à Madame Verdurin pour ça. Et en même temps, comme on l'a dit, il en veut aussi aux aristocrates d'être indignes d'eux-mêmes et de leur propre histoire. Donc finalement, lui, socialement, il est un peu partagé. Et c'est quand même lui qui, simple bourgeois, a mieux compris que tout le monde, non seulement les codes sociaux qui régissent chaque personnage, mais a surtout mieux compris les ressorts esthétiques qu'il peut utiliser à partir de tous ces personnages. Et voilà, et ça se voit aussi notamment dans cette fameuse matinée du temps retrouvé. Et c'est grâce à lui aussi que tous ces gens-là nous intéressent particulièrement, parce que bon, après il y a le travail des historiens, des historiennes, de ceux qui étudient les lettres et qui essaient de comprendre cet univers-là. Mais c'est vrai que ce modèle aristocratique est très particulier. En quelques mots à Alice Bravard pour terminer. Donc Proust, aujourd'hui la recherche de documents historiques comme une évidence bien sûr et une œuvre magistrale de littérature. Et à quel moment ça devient un document historique? Donc c'est assez tard en fait, hein, jusqu'aux années 1930, on va dire que ça peut être pertinent pour refléter une certaine société. Oui, alors ça c'est une question aussi qu'on n'a pas encore tout à fait soulevée, mais qui est aussi intéressante, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre le moment où il écrit et le moment où il a cette vie mondaine. Il y a un décalage d'environ une vingtaine d'années, ce qui fait que beaucoup pensent que la société qu'il décrit est déjà morte depuis un moment et que les Guermantes, finalement, eh bien, ne correspondent plus à rien dans les années 20. Hein, donc, une vraie temporalité, en fait, à prendre en compte. Oui, mais absolument. C'est ça aussi l'histoire. Qu'on retrouve aussi dans les mémoires de Saint-Simon, qui écrit longtemps après avoir vécu les épisodes qui sont dans ses mémoires. Et bien voilà, du XVIIe siècle avec Saint-Simon, au XIXe, au XXe avec Proust évidemment, et à aujourd'hui, ah là là, qu'est-ce qu'il en reste de ce monde-là. Merci vivement à toutes les deux, Alice Merci. Bravard, Merci. Marjolaine Morin, de nous avoir et bien fait visiter ce grand monde. Mais voici alors là, le grand du grand monde, oui, c'est Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Pourquoi la répression de la manifestation du 8 février 1962 fut-elle un massacre d'État? Deux grandes manifestations contre la guerre d'Algérie ont été réprimées dans le sang à quelques mois d'intervalle. Celle du 17 octobre 1961 et celle du 8 février 1962. La première a causé la mort de plusieurs dizaines de travailleurs algériens, peut-être davantage, car aucun chiffre précis n'a jamais pu être établi. La seconde, qui fait l'objet de ma chronique d'aujourd'hui, a fait 8 victimes au métro Charonne. En janvier 1962, l'OAS, Organisation de l'armée secrète, née le 11 février 1961 pour défendre coûte que coûte l'Algérie française, commença à multiplier les attentats dans le département de la Seine, visant des personnalités ou des organisations politiques. Le 4 janvier, un commando avait mitraillé l'immeuble du Parti communiste, blessant grièvement un militant. Puis ce fut le domicile de Jean-Paul Sartre qui fut l'objet d'un plasticage. Le 7 février, l'OAS lança une nouvelle campagne d'attentats visant une dizaine de personnalités. La bombe qui explosa devant le domicile d'André Malraux, le ministre de la Culture, défigura une fillette de 4 ans. Pour tenter de mettre un terme à ces violences et à la guerre d'Algérie, la CGT, la CFTC, la FEN et l'UNEF décidèrent de manifester le lendemain malgré l'interdiction du préfet de police Maurice Papon. Les forces de l'ordre, ayant reçu pour consigne de disperser énergiquement les rassemblements, l'un des cortèges fut brutalement pris en tenaille au moment où il était en train de se disperser. Une partie des manifestants tentèrent alors de se réfugier dans la bouche du métro Charonne. le ministère de l'Intérieur prétendra par la suite que les grilles de la station étaient fermées. En réalité, nous savons aujourd'hui qu'au moment de la charge policière, ces grilles étaient ouvertes et que les policiers ont poursuivi les manifestants à l'intérieur des couloirs et sur les quais de la station. Parmi les 8 victimes de cette répression, plusieurs moururent étouffées, d'autres succombèrent à des fractures du crâne sous l'effet des coups de matraque. Au total, plus de 250 manifestants furent blessés suite à cet acharnement policier. Ce carnage n'empêcha pas Michel Debré, le Premier ministre, d'écrire une lettre à Maurice Papon le 13 avril 1962, dans laquelle il rendait, je cite, « un particulier hommage à ses qualités de chef et d'organisateur, ainsi qu'à la façon dont il avait su exécuter une mission souvent délicate et difficile. » Mon collègue et ami Alain de Verpe, dont la mère a été tuée lors de cette manifestation, alors que lui-même n'avait même pas 10 ans, a entrepris une longue enquête sur cet événement. C'est un travail absolument exemplaire qui montre comment les outils que proposent les sciences sociales peuvent permettre à l'historien de prendre du recul face à des faits historiques qui l'ont lui-même affecté tragiquement. Au terme de son étude exhaustive, il conclut que la répression de cette manifestation a été un massacre d'État, au sens où les gouvernants qui auraient pu l'empêcher ont laissé faire. Indifférents à la mort d'autrui, se sentant obligés d'appliquer les règles qu'ils avaient eux-mêmes construites, ils ont finalement rendu hautement probable et en fin de compte inévitable la tuerie. Merci Gérard Noiriel. Allez, il faut aller vite. Nous sommes à la recherche du temps perdu. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Hugo Renard. Une émission préparée par Marion Dupoint, Toscane Judès, Jeanne Delecroix, Valentine Lovrens et Pauline Maragou. À écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.